chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche proclamera ta fidélité. Ton alliance est établie pour toujours. Ton trône est affermi dans les cieux. Tu as dit, j'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera comme le soleil devant moi. La justice et l'équité sont la base de ton trône. L'amour et la fidélité marchent devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. L'amour et la